suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Leçon 21. Lektion 21. Nous avons parlé plusieurs fois des cas de datif et accusatif. Voyons cela de plus près en commençant par l'article défini. Pour un nom masculin singulier, nous avons le nominatif d'un ou de. Selon la règle du N, de pap d'un auto. D'un auto steht an der Garage. Datif. Dem pap dem auto. Ich gehe mit dem pap spazieren. Ich fuhre mit dem auto. Akkusativ. D'un ou de. Komm au nominativ. De pap d'un auto. Ich gesinn de pap. Ich gesinn d'un auto. Vous vous rappelez peut-être qu'en luxembourgeois, l'accusatif est le même que le nominatif. Pour un nom féminin singulier, nous avons nominatif d'or. D'or mam, d'or frère. Ich gehe mit der mam. D'or frère spazieren. Akkusativ de apostrophe. T'frère mam. Ich gesinn t'frère. Mam. Pour un nom neutre singulier, nous avons nominatif de apostrophe kant taus. Kant spielt am Gerd. Taus as schön. Dativ dem. Dem Kant, dem Haus. Ich gehe mit dem Kant spazieren. Kant as an dem Haus. Akkusativ de apostroph. Kant, taus. Ich gesinn Kant, taus. Pour le pluriel, indépendamment du genre, nous avons nominatif de apostroph. Pappen, Mammen, Kanner. Pappe geht spazieren. Mamme sind an der Küchen. Kanner spielen am Gerd. Dativ den ou doch. Selon la règle du N. De Pappen, den Autoen, de Mammen, de Kanner. Ich gehe mit den Kanner spazieren. Wir fuhren mit den Autoen an die Stadt. Akkusativ de Apostroph. Pappen, Mammen, an Kanner. Ich gesinn Pappen, Mammen und Kanner. Notez que dans le cas du datif, l'article défini singulier au masculin ou neutre peut être raccourci en combination avec quelques prépositions. Donc, au lieu de dire « Ich gehe mit dem Pap spazieren », on dit « Ich gehe mit dem Pap spazieren ». Au lieu de dire « Ich sin an dem Haus », on dit « Ich sin am Haus ». Au lieu de dire « Ich komme von dem Markt », on dit « Ich komme vom Markt ». Et au lieu de dire « Ich sin op dem Markt », on dit « Ich sin um Markt ». Maintenant, pour l'article indéfini, on aura, pour un nom masculin singulier, nominatif « un » ou « e ». Selon la règle du N, « un auto »,« un man ». Un auto steht an der Garage. Dativ « engem »,« engem Mann »,« engem Auto ». Ich schwätze mit einem Mann. Wir fuhren mit einem Auto. Akkusativ ein oder ö. Ein Auto, ein Mann. Ich gesinn ein Mann. Ein Auto. Pour un nom féminin singulier, nous avons nominatif eng. Eng Frau, eng Waschmaschine. Eng Frau steht an der Küche. Dativ enger. Enger Frau, enger Waschmaschine. Ich schwätze mit einer Frau. Akkusativ eng, eng Frau, eng Waschmaschine. Ich gesinn eng Frau. Pour un nom neutre singulier, nous avons nominatif un ou e. Ein Haus, ein Kant. Ein Kant spielt am Gerd. Dativ engem, engem Kant, engem Haus. Ich wohne an einem Haus. Ich spiele mit einem Kant. Akkusativ ein oder ö, ein Haus, ein Kant. Ich gesinn ein Haus, ich gesinn ein Kant. Notez que pour le pluriel, on n'a pas d'article indéfini en luxembourgeois.